À Solange du Devant. Nohant, 6 juin 1843. Ma chère Grosse, je n'ai pas écrit plus tôt par la même raison que tu n'étais pas disposée à être sage. Comme tu as pris soin de me l'annoncer, j'ai traduit cette déclaration dans ses véritables termes. Je ne suis pas disposée à t'aimer, je suis résolue à te désobéir et à te déplaire jusqu'à la semaine prochaine. J'ai donc pensé que, dans cette disposition, une lettre de moi ne te ferait aucun plaisir, et je ne me suis pas pressée de te l'envoyer. Ton frère et ton oncle sont toujours à Guillery. Françoise ne veut pas se marier sans vous. Elle me charge donc de t'écrire qu'elle t'attendra parce qu'elle te l'a promis. Reste à savoir si tu lui sauras le moindre gré de tant de dévouement et de bonté d'âme, et si, pour la remercier, tu ne lui feras pas la moue le jour de ses noces. Tu en serais assez capable, à moins que d'ici à 3 mois, cette raison et cette bonté que j'attends depuis si longtemps chez toi ne se soient enfin réveillées. Peut-être seras-tu devenue une véritable ennemie. Jusqu'ici, tu n'es encore que Edmunda silvestris, c'est-à-dire une fleur sauvage, une plante épineuse de la forêt. Je te réponds dans ton style, qui n'est pas mal quintessentiel. Tu commences à très bien écrire, mais pas assez naturellement, ce qui serait la première de toutes les qualités du style. Je te dirai d'où cela vient. C'est parce que ton cœur n'est pas encore au niveau de ton esprit. Si tu aimais bien tendrement, tu te réveillerais un beau matin intelligente, laborieuse et instruite sans le moindre effort. Car tu as sous la main tous les moyens de savoir et tu n'as qu'à vouloir te baisser pour en prendre. Ce serait aussi le moyen d'être heureuse, car ce serait celui de n'être plus séparée de ceux qui t'aiment. Je m'étonne qu'une personne qui écrit si bien n'ait pas encore assez d'esprit pour vouloir comprendre une chose aussi simple. Je donne tous les jours des leçons d'orthographe et de calcul à la Luce. Elle a beaucoup d'intelligence et de douceur. Son oncle Denis lui a appris le calcul cet hiver et elle fait très bien les 3 premières règles avec les centimes. Je suis tout étonnée que Denis ait su lui démontrer si vite une chose dont elle n'avait aucune idée. Je lui montre maintenant la division, mais quant à l'orthographe, j'ai bien plus de peine. Je voudrais du moins lui apprendre les mots les plus usuels pour tenir des comptes et faire des notes. Je verrai si elle a l'intelligence assez soutenue pour apprendre un peu de grammaire. Il me semble que oui. Dans ce cas, tu la continuerais quand tu serais ici. Chopin se porte assez bien. La petite Villardot est charmante et nous amuse beaucoup. Pistolet court comme un fou et ne veut pas encore se mettre à l'eau. Et depuis 2 jours, enfin, nous avons un temps magnifique. Dis-moi si tu es partie avec Madame Doribot. Madame Mariani me mande qu'elle t'a été voir et que tu as été aimable pour elle, ce dont elle te sait beaucoup de gré, et moi aussi. J'ai reçu une lettre de ton frère, en même temps que la tienne. Il a fait tout son voyage en 2 jours. Je pense qu'il t'aura écrit aussi. Bonsoir, mon enfant. Je t'envoie une lettre de Luce. Tu m'enverras ta réponse. J'ai repris la Solange et je garde Thomas outre le futur de Françoise que je prends à la Saint-Jean. Cela me fait bien du monde, mais ce sont de braves gens et je n'ai pas eu le courage de les renvoyer. J'ai vu Rolina et sa femme et tous mes autres amis, excepté la famille Dutheil qui est dans le chagrin. Dutheil est très malade et menacé de perdre un œil par suite d'une inflammation. J'irai le voir demain. J'ai vu Léontine et son mari qui a l'air très doux et bien élevé. Elle m'a bien chargée de t'embrasser, ainsi que ta tante. Adieu encore, porte-toi bien et tâche de m'aimer tous les jours et toutes les semaines. Chopin t'embrasse peut-être, et moi bien sûr, si tu es bonne. Entends-tu ? Bonne avant tout, bonne toujours, et avec tout le monde, et en toute occasion. J'ai laissé pour toi à Madame Marliani 10 volumes d'Henri Martin. Dis-moi si tu les as reçus et si tu t'en sers. Je les ai ici, ainsi tu n'auras pas besoin de la rapporter aux vacances. Embrasse Mademoiselle de Rosière et dis-lui de me donner de ses nouvelles. Embrasse Madame Bascan et Madame Doribon.